Blessé, je t'ai blessé. Tout ça moins dire, tout ça moins faire, moins désolé. Même si, sans faire esprit, oui, m'a trahi, ouais, ça fait mal. Mais faut que ça, moi t'aimais, oh. Moi t'aimais, oh. Brisé, mitière brisée. Toute flèche d'amour qui t'est à dents, vini fané. Fragile, ou si fragile, nous t'es promettre l'amour soleil, mais ça m'en bat. M'en faire pleurer, sans même garder, et m'en mentir souvent, sans s'aboutir. Courir la vie, chercher plaisir. Présence affine.